Quelquefois, on cherche des blagues, on cherche la tournure pour rendre ça plus drôle, plus étrange, plus baroque. Mais comme je travaille avec la gamma readings, Amersing, comme je travaille avec la clientèle, pardon, oui, ils me surprendront tout le temps, les clients. Il y en a un qui m'est arrivé la semaine dernière, lundi, pour être plus précis, en me disant, je suis plus capable de boire cette bière-là. Et moi, je lui relance, pourquoi? Je m'intéresse quand même, pourquoi? Lui qui en boit deux fois par jour des caisses de 6, donc une caisse de 12 à tous les jours. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, là, je vous jure que c'est vrai. On ne l'invente pas. Il me dit, oh, depuis quelque temps, là, je trouve que cette bière-là est trop liquide. Faut pas l'inventer, là. Aujourd'hui, c'est la triste réalité. Aujourd'hui, le lundi. Ah ben oui, lundi. Vous me croyez pas? Vous me croyez pas? Allez voir votre calendrier. Le temps passe tellement vite. Tellement vite! Oui! Lundi, le 13 avril 2020, monte le volume. Ah non, non, non, non. Ah non, non, wow. On peut pas faire ça comme ça, là. Parce que c'est un spectacle, madame. C'est un spectacle exceptionnel. Je rencontre l'artiste. L'artiste qui fait la différence dans le monde. Donc, on recommence. Nous sommes des professionnels, n'essayez pas ça à la maison. Vous devez avoir l'équipement. Et selon certaines, pardon. J'ai des micros, j'ai des consoles, j'ai des magnétos, j'ai tout au niveau de la radio. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, on revient avec le gars. Il trouve que sa bière est trop liquide. Vas-y, toi! Incontournable, c'est insignifiant. Aujourd'hui, le lundi, toujours lundi, ben oui, 13 avril 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hein? Oui? Oui, j'ai pris le micro par les Capricornes sous Sagittaire. En haut de Gémeaux, là. Vous êtes vous? Moi, je suis moi aussi. Bon. Et puis, lorsque je vous ai tiré les cartes, il en manquait 6. Vous les avez cachées, vous les avez volées. Parce que moi, c'est bien beau être voyant, là, mais je ne suis pas un imbécile, là. Je vous ai dit que Capricorne allait vous chercher sur Saturne. Puis la troisième éclosion de l'ours polaire, ça n'avait pas l'air à fonctionner, mais après coup, vous m'avez rappelé en me disant que votre mari était peut-être mort d'une manière un peu étrange et puis que vous seriez peut-être à l'arrière de tout ça pour toucher les assurances, puis vous acheter une maison, repartir avec votre amant que vous connaissez depuis 3 ans, puis que vous ne vouliez pas le dire à votre mari, parce qu'il peut, pouvait, il pouvait, là, il peut plus grand-chose. Là, il s'égrène pour votre plus grand plaisir. Mais l'ADN a toujours raison! Oh! Moi, ça reste entre moi et vous, là. Plus vous me payez, plus je reste silencieux. C'est ma devise. Vous arrêtez de me fournir l'argent que je vous réclame. Et demain matin, le FBI, La GRCA, la GRCA, la recherche du temps perdu, les GRCA, ouais, eux. L'équipe SWAT, avec l'équipe SWAT, si vous n'êtes pas moite, on vous rappellera. En fait, tout va vous glisser sous les mains. Mais rien va leur... Non, rien va passer là à côté. Ils sont tellement à la recherche de quelque chose que si vous n'êtes pas coupable, vous allez le devenir. Oh, la peine de mort! Oh, c'est incroyable! C'est affreux, ça. La peine de... C'est affreux. Juste en parler, là, j'ai les frissons qui ratatouillent. J'ai la morale qui tombe par terre et j'ai le genre humain que je renie à chaque instant, en fait, pour ceux qui sont pour. Ça, c'est comme la petite histoire de Gaétane Brisebois. Elle a deux petits chérubins. Un de 2 ans, puis un de 3 ans. Hey! 3 mois d'attente, là, avant d'en fournir un autre. En fournir, c'est beau, hein? Ça, c'est mon côté boulanger. Ah oui. Moi, là, ma devise du boulanger, c'est vive la levure. Pas besoin de Viagra. Oh, il connaît la baguette, les pains de fesses, le belge, le pain belge. Hein? La différence entre un pain belge et un pain français, le pain belge, vous se pète pas. Oh, c'est une blague. Non, c'est madame, vous êtes ascendant. OK. Ouais, mais les Capricornes ascendant Verseau ont un sens de l'humour très aiguisé. Aiguisé comme un couteau, oui. Qui amène la violence quand on parle contre les femmes. Non, moi, mais j'ai rien contre les femmes. Non, vous êtes... D'accord. Je m'excuse. Je voulais pas vous froisser. Comme la feuille qui tombe en automne et se tient sur l'arbre lorsqu'elle est encore là. Lors des premiers... Le jour des premiers flocons. Vous remarquez la feuille qui ne veut pas quitter cet arbre qu'elle a pendant tout l'été, elle se faisait j'ai perdu, parce qu'en voulant me bronzer, je me suis reculé. Puis comme mon fil est très minimaliste, ben ça a coupé. Ça fait que j'ose entre vous, je vais rebrancher mon... On n'a pas peur du ridicule. Attendez un peu. Puis on dépose pas, nous, on laisse tomber le micro. Ben, quoi que... Non, j'ai dit ça prenait pas de midi à 14h, mais comme j'ai un micro qui, après... 2-3 pieds, 600 pieds. Après 600 pieds, on n'entend rien. Ah non, il faut presque embrasser, pour ne pas dire à la française, là, frencher le micro pour que tout reste audible auprès de la population et des auditeurs et des membres de CKRL. Mais en même temps, quand vous m'entendez pas, je dis pas de conneries. Oh, c'est vrai, hein? Il y en a une qui dit qu'elle hoche la tête. Vous hochez! J'en suis fort aise. Vous hochez. Vous faites comme ça, là. Un peu comme, vous savez, quand on allait à l'église, on mettait de la monnaie. C'était une petite statuette. Puis il y avait comme, on pouvait pas voir parce qu'elle était recouverte. Ben oui, c'était arrangé avec le gars des vues. Quand tu mettais la monnaie, ça tombait un peu sur une cuillère, et là, la tête balançait. Plus tu mettais de l'argent, puis elle balançait. Aujourd'hui, le curé est en la main, puis quand tu mets de la monnaie, ça balance pas fort, il veut avoir des 100$ pour... Quand tu mets quelques 100$, là, la tête commence à dire merci beaucoup. Sinon, là, les scènes, il veut rien savoir. Ah non, j'ai essayé des hosties, je connais ça, ce milieu-là, moi, là. Oh! Je vous ai ramené de Paris, monsieur le curé. Le meilleur. Puis c'est pas du vin de messe, là, faites-vous-en pas. C'est le meilleur vin de Bordeaux, France. Bordeaux French. A wine Bordeaux French. A bottle. 750. Pardon? Hein? C'est beau, hein? Voulez-vous que je refasse? 750. Non, c'était meilleur la première fois. Hein? C'est toujours meilleur la première fois. essayez pas de refaire la première. C'était comme ça, c'était merveilleux. Les gens ont jubilé comme la jubilatoire précoce. Et puis, on peut pas refaire ce qui est merveilleux. Là. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur du chien et on a peur du loup. Et tout là-haut, flottait sa chemise, sa chupé ses bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première. Ah. Mais vous savez, la première. Ah. Ça, c'est du travail. Tu sais, ça semble facile. Comme ça, là, on balance des mots, puis on prend une chanson de Serge Lama, puis ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. Puis ça vient pas de toi. On le sait que ça vient pas de toi, mais c'est une ritournelle que les gens aiment bien réentendre. Plus vraiment. Plus maintenant. C'est terminé pour une génération. D'accord, maintenant, on va entendre. OK, on va rapper. Mais pas ce soir. Ce soir, on va déraper. Oh, c'est une demi-blague. Oui, après ça, on va revenir sur... Oui, sur l'histoire du... Je voulais pas mentionner. Non, j'ai perdu mon petit carton. Mon petit carton. Où est-ce qu'il est, mon petit carton? Mon petit carton après 9h. 9h15. 10h30. Oh. On va revenir, ne vous en faites pas, on va revenir. Oui, c'est... Oui, madame, c'est certain. Maintenant, une œuvre majeure, un disque à se procurer. Le nouvel opus. Masculin, assassin. La vendetta du con, c'est la mort du couillon. Qu'on en parle tous les mâles. Ni pardon, ni manif. Assez parlementé. Vive la lutte armée. Ah bah, le sexe fort. À mort. Ah bah, le sexe fort. À mort. Assez parlementé. La lutte armée, assez parlementée, vive la lutte armée. Vive la lutte armée. Quand une chanteuse a bien chanté, quand une chanteuse a bien chanté, tous les hommes ont le droit de l'embrasser. T'as de la misère à partir. Écoute, Brigitte. Moi, ça me plaît énormément, puisque je me dis, quand j'étais petit, bon, il y a une chanson. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montre mes fesses à tous les passants. C'est pas ça, là. Quand j'étais petit, vers 10-11 ans, j'étais déjà très marginal. Et je me demandais si j'allais rester avec toute cette soif de connaître autre chose que ce que la société nous présente. Parce que si on se fie uniquement à tous les médias traditionnels, on va pas bien loin. On se fait peur entre nous. Attention, hein? Pour pas attraper ça, elle peut mourir. Ce qu'ils savent pas, là, c'est que la vie est une maladie mortelle. Point final. Sinon, on y revient là-dessus parce que ça va être beaucoup plus rigolo. Oui. Mon grand insignifiant, mon épouse et moi avons eu le bonheur de placer dans le ventre de cette dernière, ça c'est ma chérie adorée que, oh mon Dieu, je donnerai tout pour elle, elle le sait. Je crois que même cette douce personne qui favorise avec moi oui, exact, vous avez raison, un plaisir de vivre à deux, mais c'est grâce à elle, puis j'espère un peu à moi. Et moi j'ai contribué, mais à peine, à placer dans son ventre un fêteux. Mais pas, tu sais, le fêteux, là, celui qui veut pas sortir après 9 mois. Tu comprends la patente un peu, là? Tu comprends la chose? Tu comprends un peu l'intrigue? Comme on dit en cinéma, tu connais la diégèse? Pas tout à fait. Je vais vous expliquer. Bon, moi et mon épouse, ben, elle l'était pas avant que nous apprenions... La genèse, c'est que nous étions un couple. On vivait ensemble depuis 2 ans. Bon, on va tout vous raconter l'histoire. Et à un moment donné, cette douce dame que j'adore encore et de plus en plus, mais ça me fait mal un peu de raconter l'histoire. Ah, ça me fait mal parce que ça a pris du temps avant que notre premier enfant voit le jour. Quand je dis voir le jour, là, c'est de sortir de sa mère. Oui. Alors, je vais vous raconter un peu à quel moment ça s'est fait. Nous étions en camping au mois de décembre. On aime ça, nous autres, le camping hivernal. Mais comme il fait très froid, c'est le moment, même après plusieurs années, de se coller pour se réchauffer. Et puis là, ben, quand on se colle, ils font des 19 heures. Quelques heures avant, on avait pris... on avait bu ma première cuvée de vin que j'avais lancé, là, puis on a rattrapé la bouteille, on l'a ouvert, on a eu un plaisir flou. Fou au début et flou vers la fin. Et là, on s'est collé, on s'est couché, on a fait un petit feu de camp, on a mangé de la guimauve. Ah, la guimauve. C'est bon la guimauve, hein? Autour d'un feu, puis même sans feu. Puis depuis ce temps-là, ma copine a dit « Ah, moi, je l'aime. Guimauve le métis vierge. » J'ai dit « C'est pas Guimauve, c'est Guillaume le métis vierge. » Elle a dit « Je l'aime aussi, lui. » Mais Guimauve le métis vierge, il n'y en a pas de Guimauve. Enlève la Guimauve, c'est Guillaume. L'acteur, là, le chanteur, là, quand il avait 16 ans, il a fait une chanson. Il a commis une chanson. Mais l'acteur, tu veux dire, celui aussi qui est humaniste, qui est pour le Québec, qui est un gars que j'adore. Mais c'est pas Guimauve, ma chérie. Ouais, t'es souvent à côté de la plaque, c'est pour ça que je t'aime. Moi, je suis né en dehors de la plaque terrestre. Et puis, on m'a ramené par la source. C'est cohérélienne. C'était fort à l'époque. Encore aujourd'hui, c'est la source écoérénienne. Tout le monde veut rentrer dans le sillon. Si on s'y mettait. Mais pas ce soir. Alors, donc, on a mangé de la guimauve. Elle dit, ah, guimauve, tu viens hier. Je m'en dis, maman. Là, on dit, ah, il fait froid. Décembre. Hein. Il fait froid. Et ça sonne. Non, c'est la froidure. Ah, OK. Et puis, donc, on s'en va se coucher. Et puis, ce qu'on aime, on va arrêter le hippie, faites-vous-en pas, madame. Et puis, pourra. Donc, on se couche dans la tente. Pas dans la tente de qu'il se passe quelque chose, là, mais à un endroit plus chaud. En toile. Et puis, on avait fait un trou sur le toit pour voir les étoiles. Alors, on était dans la toile et on voyait des étoiles. C'était beau, très beau. Et ça nous a donné cet élancé-là de s'aimer. C'est ce qui est arrivé. On s'est collé serré. Bah, maman, la mamie mia, mamie mia, papa. 3 semaines après, ma copine se sent étrange. Je lui dis, ah, ben, c'est certain, c'est les étoiles. C'est les étoiles, c'est l'hiver. Tu as peut-être attrapé une petite grippette. Un rhume, une grippe, on ne sait pas comment ça s'appelle. Là, mais c'est un petit virus, mais pas trop dangereux. Mais là, un mois et demi après, tout n'allait pas très bien pour elle. Comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle a eu des hauts de cœur, et puis là, elle cherchait son moi profond. Puis, ah, mon Dieu, on dirait qu'il se passe quelque chose dans mon corps de jeune fille. Il se passe des choses qui me changent. J'ai dit, attends un peu, la tapocheuse, là. Elle tapoche sur les chanteurs et les chanteuses et les groupes qu'elle aime. Tant mieux, moi aussi je t'approche. Et sur ces êtres incroyables qui nous font vivre. Et voilà. Et donc, on s'en va voir un connaisseur de cause. Là. Puis, on apprend que ma charmante copine est enceinte. Elle est pipi pourra. Là, on s'est dit, ouais, mais quand on l'a conçue, on était un peu ivre. Même si toi, tu t'appelles Georgette et moi, Reynald, nous étions ivres, ma Georgette. Et puis là, tu n'inquiète-toi pas, c'est pendant que je vais incuber le petit qu'il ne faut pas prendre d'alcool et fumer. Donc, je vais rester calme. Oh, ben j'ai dit, mon petit chaton, je serai avec toi dans la douleur la plus irrespectueuse. Donc, 9 mois passent. Au moment de l'accouchement, tu sais, on était prévu, nous, pour le 2 décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Le 11 septembre! J'ai discuté avec ma copine, j'ai dit, on peut-tu reculer ou avancer? Parce que le 11 septembre, là, j'ai peur de voir des avions, tu sais, des avions. Voilà, on n'est pas à New York! Pas grave, pas grave. Le 11 septembre, là, c'est pas beau, c'est pas, on n'aime plus ça. Là. Il faudra enlever ça du calendrier, puis il faut appeler les Césariens. Parce que c'est eux qui ont fait les calendriers, les Césariens. T'es-tu cinglé, mon amoureux? On commence à se dire les vraies affaires. Là. Je dis, ben non, tu sais, je sais pas, mais ça fonctionne plus. Là. Puis on dirait qu'il veut pas sortir, cet enfant-là. Ben, il sortira quand il sortira. Ça, j'ai aimé ça. Il sortira quand il sortira. Donc, 20 ans plus tard, ma charmante épouse en avait ras-le-bol. Elle s'est dit, ben là, il faudrait peut-être qu'il se passe quelque chose. Je disais, là, t'as raison, là, on vieillit 20 ans. On n'a jamais entendu ça, là, dans les médias puis dans les revues scientifiques. Qu'un enfant naisse à 20 ans, tu vois, c'est incompréhensible. Puis même les médecins ont lâché la serviette. Un peu comme à la boxe, hein. Ils ont tiré la serviette, puis on l'a vu. C'est une serviette là, qui disait « on s'en occupe plus, elle fait partie des gens qui n'entrent plus, ne plus entrer dans la balise. » Pas dans la valise, madame, c'est dans la balise. Dans la balise existentielle, tiens. Puisque tout le monde sait que quand t'étais rien, t'es un homme, une femme, la femme doit accoucher, l'homme s'il veut, tant mieux, là, tu sais, c'est son rôle. T'sais. Les comédiens, hein, ils accouchent comme ils veulent. Puis même on dit les créateurs, hein, on accouche d'une œuvre. Il reste que ma charmante épouse a mis au monde. Je sais même pas si on doit appeler ça un bébé, ça s'est jamais vu. Il est né à 21 ans. 21 ans! Puis c'est certain que c'est la césarienne, c'est la césarienne, il mesurait 6 pieds 3, toutes ses dents. Il y avait la calotte à l'envers, puis le ballon, puis salut, man! Il y a 21 ans qui parle, puis je dis, c'est certain qu'il parle, ma chérie, j'ai tellement dialogué avec lui, je lui ai lu toute l'œuvre poétique québécoise. De Sergeant Magin. Tu connais Sergeant Magin? Excuse-moi mon ignorance, mais en tenant dans mon ventre un enfant de 21 ans, j'en ai perdu des bouts. En tout cas, c'est un grand qui a dit que le Québec ramasserait en après-midi. Et puis, ah non, il est revenu le soir. À quelle heure? À 3h15. Ah, mon Dieu! Avec Georgette, non, avec un sac de vidange qui a volé à papa. À papa. Ben oui, papa dans la petite vie. Puis là, c'est qui l'a amené, ce sac de... Ben, c'est mon fils de 21 ans. Ben, il commençait déjà à travailler avant. Avant quoi? Avant de naître. Hey, là, tout le monde se posait des questions. Avant de naître, qu'est-ce qu'il faisait? Dans le ventre, pendant 21 ans. Là, il y a un philosophe que je connais. Un peu. Michel Langteau. Professeur au cégep du Vieux-Montréal dans les années 80. Je peux pas trop dire, en tout cas, dans un moment donné. Et puis, il m'arrive avec ça, il dit Reynald, parce qu'on était très proches, là, tu sais, on était à 2 cm. Puisque j'ai ramassé son livre, il a échappé un livre qui s'appelle À la manière de Proust. C'est un essai littéraire chez Flammarion. 122 pages, pas d'image, que du texte, mais du beau texte, là. Tu sais, du texte, là, de la belle écriture, là, bien imprimée. Tu sens que la feuille, là, a laissé imprégner les mots, tu sais. Puis quand tu le lis, tu vois même les mots levés du livre. Puis là, c'est pas... Non. C'est pas un effet 3D. C'est que c'est tellement bien écrit que tu te crois intelligent après ça, là. Là, quand tu arrives au restaurant, ils te demandent « Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? » Ah, ben là, je suis tout mêlé. Je viens de lire un livre, là. Ouais, mais on vend pas ça ici, là. Nous, on vend les burgers. Les burgers, OK. Ben, je vais vous prendre un burger. Quelle sorte de burger? Ben, avec une boulette, puis deux tranches de pain, là, des burgers, puis pain grillé, s'il vous plaît. Puis à l'intérieur, mettez oignon cru. Qu'il l'eût cru, le perle sucru, l'oignon cru et ketchup. Mais ensuite de ça, voulez-vous de la patate? Oh non. J'ai déjà un jeune qui a 21 ans, qui est né à 21 ans. Arrêtez donc, vous là. Voulez-vous un breuvage? Je vais vous prendre une limonade. Une limonade, parce que là, il faut que je rentre à la maison après. Une limonade alcoolisée, si c'est possible, pour oublier mon grand flambeau de 21 ans qui, avec son ballon, qui va dire Hey, papa! Hey, papa! C'est qui ça, Brigitte Fontaine? Oh non. C'est pas vrai. On s'en sort jamais de l'ignorance collective. Même mon fils de 21 ans. Hein, on peut bien rire. Terre-Neuve! L'île de Morue. Champ de diamants. Terre-Neuve, ange qui tue, charbon ardent, Terre-Neuve, lac de glaçons, cri de dragon, Terre-Neuve. aujourd'hui, le lundi, toujours le lundi, 13 avril 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète Alex Rosy. Vous allez entendre son œuvre et aussi ce qu'il a à nous dire sur sa personne. Alors, place à mon ami Alex Rosy. Ti voglio fare l'amore con me, una canzone leggera sempre ardente. Ti voglio fare l'amore con me, una ricetta di pasta al dente. Al dente. Stanotte fai l'amore con me, ma più che puoi. Amore facciamo di questa notte, d'inverno un giorno d'agosto. Laurent, s'il vous plaît. Merci. Oui, allô? Ça va? Salut. Alex. Ah oui, bonjour, ça va bien? Et toi? Excellent, oui. Enchanté. Ben, j'allais t'appeler pour te dire que j'étais rendu. J'étais sur place. T'étais sur place? Oui. Ben, je viens d'arriver. Est-ce qu'on va se placer? On se place ici? On tasse, ouais, plutôt. Ouais. Là. Ah, oui. Au soleil? Ouais, ouais, bien sûr. Excellent. Ça dérange pas? Ben non, au contraire. Okay. C'est cool. Cool. Ben oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais prendre un café et un verre d'eau, si c'est possible. Ah, merci. Mais moi aussi, un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Alors, ben, quand tu m'as appelé cette nuit, Était minuit, il était tard, ouais, putain. Ah non, c'est pas grave, je revenais d'un spectacle de Diana Krall, donc... D'accord. C'était exceptionnel. De Diana Krall? Oui. Ah ouais. Elle était à l'Olympia de Paris. D'accord. Pour une deuxième supplémentaire. D'accord. Merveilleux. Ouais. Moi, j'adore, parce que c'est de l'improvisation. C'est ce que je cherche dans la musique. Ok, d'accord. Alex, ça va bien? Ben écoute, ça va, ouais. Donc tu es... Tu fais quelques jours à Paris, vacances, et t'en profites pour... Non, c'est pas mes vacances. Les vacances, c'est le retour au Québec, là, quand je travaillerai plus, parce que je fais à peu près 5 à 6 rencontres par jour. Ah ouais? Ça, c'est sans compter les spectacles. Puis j'organise aussi des mini-concerts sur la terrasse ici, là, en haut du métro 12, là, sur la bouche de métro, là, en haut de la bouche de métro. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On dort peu, on se couche tard, on se réveille tôt. Ah ouais, d'accord. Donc... Tu organises avec des artistes québécois, en fait, qui sont... Non, français. Ah ouais. Français, belges, suisses, qui sont aussi de passage. Ah ouais. Donc, on se rassemble là-bas, puis on fait un spectacle. D'accord. Là, ce soir, j'en ai fait un mercredi. Ouais. J'en refais un autre ce soir à 19h30. Nous serons à peu près 6. OK. Au départ, on devait être 3, il s'en est rajouté comme ça au hasard, donc ça en fait 3 de plus. OK. Et en fait, les artistes jouent leur matériel et c'est diffusé dans ma station de radio, dans mes deux stations de radio. Ouais, d'accord. Voilà. Merci, merci. Merci. Et en fait, donc quand tu dis deux stations de radio, il y a 7 radios, c'est KRN. Oui, et il y a CJTB. Et une autre aussi au Québec. À Tête à la Baleine. Ouais, d'accord. Qui est dans le nord du nord. Ouais, d'accord. Mais ouais. Je suis jamais. Ben, il n'y a personne qui s'y rend. J'ai jamais traversé l'Atlantique, si tu veux. Ouais, mais à Tête à la Baleine, il y a très peu de personnes qui s'y rendent. Ouais. C'est très, très loin et très long. C'est plus long de se rendre là-bas que de venir ici. D'accord. Donc, ah ouais? Ça commence à donner, oui. Ah ouais? Et sinon, toi, t'es auteur, compositeur, interprète. Ouais. En plus, je suis auteur-interprète. Pas vraiment compositeur. Je travaille les compositions avec avec toujours les mêmes, 2-3 personnes. Ok. C'est un noyau qui s'est formé au fil des années. Oui, oui, au fil des années, oui. Mais il y a un noyau avec 2 personnes, ouais. Je te dirais. Ça fait 10 ans. Lesquels? C'est Romain Guéré et Arnaud Pilar, qui avait un groupe qui s'appelait Aline. Oui, bah oui. Voilà. Ben oui, j'ai rencontré Arnaud et qui? Arnaud et Romain. C'est Arnaud que j'ai rencontré l'année dernière. Peut-être Arnaud Pilar? Oui. Qui a un groupe qui s'appelle Aline. Exactement. Tu vois ce que tu dis? Eh ben oui. Mais le groupe n'existe plus. Ben, c'est en sommeil, on dira. Ouais, ils ont fait 3 albums. 2. Un qui s'appelle... le premier, c'est... Regarde le ciel. Ah, c'est ça, exactement. Sinon, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Est-ce que tes parents en faisaient? Est-ce que c'est une racine profonde? Non, mais mes parents ne faisaient pas de musique. Ils faisaient pas de musique, mais on écoutait beaucoup. OK. Et beaucoup de variétés, beaucoup de tunes. Et c'est ça qui du t'a... Moment. Ouais, c'est ça. C'est très éclectique. Du Trent, Gainsbourg, des trucs comme ça. Ah ouais, à fond. À fond. Et toi, t'as été inspiré par ces chanteurs? Ouais, j'écoutais surtout, j'étais tout petit, en fait. Je sais pas, mon oreille s'est habituée au refrain, quoi, tu vois. Plutôt des refrains efficaces, quoi. Tu vois, au tube, quoi. Okay, au hit. Ouais, ok. Je sais pas comment vous dites là-bas. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut que ça sonne. Ouais. Hein, il faut qu'il y ait résonance. Il faut que. Ben oui, en fait, c'est des choses assez évidentes, quoi. Pas forcément stupides, hein. Non. Voilà. Et puis. Là, t'enregistres, là, c'est ça? Oh, ben oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ça, ben oui, on perd absolument rien, hein. On perd absolument rien. Okay. Sinon, à quel moment ça a été un déclencheur et tu t'es vraiment dit, ben là, je me lance en musique, je me lance dans l'univers du show business? J'ai dès l'âge de 19-20 ans. Voilà. Voilà. Parce qu'avant, en fait, je faisais. J'avais pas, en fait, j'ai jamais eu vraiment de groupe de musique. J'avais des copains qui avaient des groupes, tu vois, de rock, de pop, voilà. Mais en fait, moi, j'avais à 15-16 ans, j'avais une émission de radio. Une radio libre? Ouais, dans une radio locale, ouais. Qui s'appelait? Qui s'appelle Radio 32, parce que je suis pas de Paris, en fait. Okay. Ça fait une vingtaine d'années que je vis à Paris. Mais je suis né, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Oui, ok. Situé dans le Gers, un département qui s'appelle le Gers, et qui est à côté de Toulouse, en fait. Ouais, ben oui. Voilà. Mais je suis d'origine italienne. Oui, ben c'est ça que j'allais dire, voilà, tes origines sont italiennes. Ouais. Voilà. Mais donc, la radio t'a donné une visibilité musicale, c'est-à-dire que tu as pu écouter d'autres chanteurs. Ah oui, bien sûr. J'ai passé beaucoup de rock, de pop. Et qu'est-ce qui à la fois des anglo-saxons, les anglo-saxons comme des Français. Hein. Ah oui, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a... Et après, si tu veux. Oui, vas-y. Ouais. Et donc en fait, et puis j'étais, on appelait ça DJ. J'étais DJ une boîte de nuit, dans un club de la région. Ok. Donc à 17-18 ans, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ah, mais t'étais encore dans le milieu de la musique. Oui, oui, bah, je passais de la musique, quoi, tu vois, je mixais de la musique. Et puis en fait, je cherchais même pas à apprendre un instrument, si tu veux, tu vois. J'étais vraiment parti pour être DJ ou ami, tu vois, DJ, radio, ami. Et puis à côté de ça, je lisais beaucoup de littérature et j'écrivais, en fait. Okay. Donc j'écrivais, tu vois, des petits poèmes, des nouvelles, tu vois, des histoires courtes comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai un pote là-bas qui était, par contre, lui, musicien, et qui me dit « Mais montre-moi des textes. » Bon, je lui ai montré des textes, et en fait, il a fait un peu la surprise en prenant, tu vois, des bouts de textes et en composant des chansons dessus. Et du coup, il m'a fait chanter, il m'a fait enregistrer, et c'est parti comme ça, en fait, tu vois, à 18-19 ans, quoi. Et après, j'ai pas arrêté d'écrire des chansons. Je me suis mis aussi un petit peu à la composition, au piano, même si je joue très mal. Mais parfois c'était suffisant pour trouver des mélodies. Voilà. Et puis après, par contre, j'ai toujours eu besoin de musiciens et d'arrangeurs pour mettre en forme quand même les chansons. Voilà. Mais lorsque tu étais à la radio, qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là, le métier de la radio? De faire la radio? Oui. Qu'est-ce qui me plaisait? Mais c'était d'être comme un passeur, quoi. Oui, ben oui. Tu vois? Voilà. De communiquer ce que tu avais écouté et aimé. Et voilà, exactement. Aux auditeurs. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Hein. D'être comme un passeur, quoi. Alors, parfois, il y a des gens qui me parlaient de l'émission parce qu'ils écoutaient, forcément, mais certains qui connaissaient ce que je passais. Puis d'autres qui connaissaient pas. Okay. Donc, c'est de te faire découvrir. Oh, oui, c'est ce qui me plaisait, quoi. Je pense que c'est un peu comme toi. Oh, oui, défricher. Voilà. Faire connaître aux autres. Voilà. Voilà. Mais dans la musique que toi tu proposes et que tu écris. À l'époque. Ouais. Les premières chansons, c'était très. Ça ressemblait beaucoup à Étienne Dao, tu vois. Ok. C'est très pop française. Électro-pop. Pas vraiment, non, pas électro. Je parle ça juste de la pop française. Ah, oh, oui. Il y avait une scène française, ouais. Une scène française dans les années 80. Donc il y avait un peu Dao, Graziella Di Michel, je ne sais pas si tu te rappelles. Indochine un peu aussi. Hein? Indochine. Oui, il y avait Indochine aussi. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, il y avait aussi Arnold Turboost. Ah oui, que j'ai rencontré. Voilà, Arnold, que je connais bien. Qui a travaillé avec Étienne Dao. Bien sûr. C'est lui qui a composé. Ah non, pas du tout. C'était un vrai duo, quoi. Enfin, un vrai binôme, quoi. Uh-huh. Voilà. Mais Arnold, je le connais très bien. Ouais. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un d'adorable. Sympathique, effectivement. J'aime beaucoup son travail. Et... Très généreux. Je connaissais ses chansons avant de le connaître personnellement. Son titre, c'est Adélaïde. Oui, voilà. Ouais. Entre autres, mais il a fait plusieurs disques. Oh, ouais, mais c'est son. Mais bon, c'était son. Ouais, c'était son. C'est pas si on dit crossover, mais enfin, son tube, quoi. Exactement. Et toi, dans la musique, à cette époque-là, qu'est-ce que tu voulais raconter? Qu'est-ce que tu voulais proposer au public? Ah, c'était. Non, c'était des chansons. C'est du pop assez romantique, mais romantique et mélancolique, quoi. Okay. Voilà. We'll be right back. ricordo sta sera. Cammino senza sapere in quale posto andare. Le luci della città mi aiuteranno a trovare. La notte non mi fermo mai, ma il tempo non esiste più. Quando il buio mi prende, ti vedo dappertutto, dappertutto. Domani è un'altra notte, con sé, sa te. Domani è un'altra notte, con sé, sa me. Dove sono stasera? Poco importa, poco importa. Se ti muovi con me, come un'ombra leggera, come un'ombra leggera. Domani è un'altra notte, con sé, sa te. Domani è un'altra notte, con sé, sa me. Domani è un'altra notte, con sé, sa te. Domani è un'altra notte, con sé, sa me. Dove sogno stasera? Quando alzo il bicchiere, da brindare con le ragazze, da brillare con le stelle. Quando inizio a ballare, poco importa, poco importa. C'est le genre de choses qui, je pense, qui plaisait aux filles aussi. Mélanger l'espèce de romantisme et avec aussi une espèce de mélancolie comme ça. Est-ce que tu vois depuis le début jusqu'à aujourd'hui l'évolution ou des propos qui reviennent souvent dans tes chansons? Est-ce qu'il y a un fil arrière? Oui, je comprends ta question. En fait, ça a quand même évolué, quoi. Donc j'ai chanté là, parce que je chante, ça fait un petit moment que je chante plus trop en français parce que je chante en italien, tu vois. Mm-hmm. C'est un peu la pop italienne maintenant, mais bien sûr, je t'en parlerai après. Mais tu reviens à tes racines. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je t'en parlerai juste après. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai quand même continué à faire des chansons. c'était... Et en fait, si tu veux, au fil des années, j'arrivais à peut-être un peu plus de maturité. Okay. C'est pas de moins ressembler à certains. Non, oui. J'étais trop calqué, si tu veux, les premières chansons. J'étais trop calqué sur les gens que j'aimais vraiment. Tu veux trouver ta signature. Voilà, c'est ça. Et ça, au début, tu l'as pas forcément tout de suite, quoi. Tu vois. Il faut digérer un petit peu, tu vois, c'est tes influences. Même si les influences, elles sont toujours là, quoi. Ah, tu vois, parce que j'invente rien. Non, mais si tu veux, t'inventes rien. Il faut juste. C'est pas t'inventer, mais se trouver une personnalité. C'est ça, une signature. Voilà, une signature, comme toi tu dis une signature. Je comprends ce que tu veux dire, c'est sûr. Et au fur et à mesure, j'arrivais plus à maturité. Et je faisais écouter à des maisons disques ici. Parce que je suis monté assez tôt à Paris. 22 ans, 21 ans. J'avais 22 ans. Ouais. Et je faisais écouter mes maquettes des cassettes. Oui. Maisons disques, tu vois, pendant 3-4 ans, ils me disaient la même chose, mais ils avaient raison. Hein, ils avaient raison. Ils disaient quoi? Ils disaient que ça ressemblait, enfin, tu vois, que c'était intéressant, mais que ça ressemblait trop à certains. Ah, c'était calqué sur. Ouais. Voilà. Ouais. Sans que c'était pas l'imitation, si tu veux. Non, ça sonnait comme. Autant, il y a des périodes comme ça où ils avaient besoin, quand il y avait dans un style musical un groupe ou un artiste qui marchait vraiment, ils voulaient parfois le même style. Ouais, oui. Mais à l'époque, pas forcément. Okay. C'était trop, calqué sur, sur un artiste, ça allait pas. Mais. Donc, en fait, je sais pas si à force d'essuyer pas mal de refus, quoi, là, que tu te remets un peu en question et t'affines un peu ton écriture, enfin t'affines, tu personnalises un peu plus ton écriture. Tu travailles davantage sur voilà, ton style. Voilà. Et puis après, finalement, je suis arrivé, j'ai signé dans une major, oui, une grosse maison de disques qui s'appelait Mercury à l'époque, en 97-18. Voilà. Bon, ça n'a pas marché comme je voulais, mais enfin, bon, j'y suis resté 3 ans, ils m'ont rendu mon contrat, mais. Et ça m'a toujours permis de rebondir et d'être dans mon écriture, ça s'est affirmé de plus en plus, ouais, en fait. Voilà. Mais comment tu fais pour trouver ton style? Comment tu abordes ce côté-là? Est-ce que tu dois t'arrêter et réfléchir sur le son que tu veux donner, ou c'est ton entourage qui te... C'est mon entourage quand même. Un peu, parce que... C'est pas m'aiguiller parce que je sais ce que je veux. Okay. Mais c'est mon entourage proche, le compositeur, qui propose parfois des mélodies, des compositions. Et je dis oui, ben ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Souvent, en fait, j'écris les paroles de chansons. Parfois, je sais écrire les paroles de chansons sans musique, en fait. Okay. Qui sont déjà calibrées. Mais la musique est dans ta tête. Parfois, ouais. Parfois, je trouve des mélodies, voix, que je soumets à des compositeurs. Et toujours les mêmes, d'ailleurs. Et voilà, et donc on fait des chansons, on construit des chansons comme ça. Et après, eux, quand même, c'est eux qui arrangent, qui font les arrangements, qui vont préciser une couleur. Voilà. Mais ils savent où je veux aller, et voilà. Donc c'est pas. Mais c'est vraiment comme un. Je fais vraiment le travail, comme je te dis, je suis un piètre musicien, donc. Et c'est pour ça que je me reconnais pas comme un compositeur naturel. Tu vois. Je suis vraiment plus un parolier, je dirais, tu vois, et un interprète. Et du coup, c'est plus c'est un travail d'équipe. Ah ben oui, un travail d'équipe qui finit. On n'est pas un groupe, mais on est un collectif. Oui. Qui finit sous mon nom, en fait, si tu veux. Tu vois, voilà. Alors, quand tu apposes ton nom, c'est vraiment ce que tu veux donner à la chanson. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'à côté de ça, parallèlement à ça, j'écris pas mal de chansons pour les autres aussi. Ah, c'est ça que j'allais demander. Voilà. Donc, je suis en tant qu'auteur parolier. Et la demande vient de qui? Est-ce que c'est toi qui proposes tes écrits ou Ça dépend. Parfois, je travaille avec des éditeurs différents qui me demandent, qui me proposent d'écrire pour tel artiste. Puis parfois, c'est des rencontres. C'est des rencontres avec d'autres compositeurs, interprètes. Voilà. Ça peut être ça. Comme quand j'avais écrit pour Dick Rivers, tu vois. Ah, ouais. Que j'avais rencontré Dick Rivers par Axel Bauer. Okay, parce que j'avais écrit avant, j'avais travaillé avec Axel. Et Axel après m'a présenté Dick Rivers qui avait besoin de chansons et Axel travaillait... C'est en quelle année ça, Dick Rivers? Ça c'est en 2003. Ok, c'est son retour. Son retour, il a toujours été là, Dick. Ouais. Si tu veux. Mais sais-tu que son véritable retour, parce qu'il était un peu silencieux là, dans les années 80-90, son, ouais. son véritable retour, c'était... Parce qu'il a pas, il avait arrêté là, de faire de la scène oui, aussi. Oui, mais c'est ça, son retour sur scène s'est effectué à Québec. Oui, au sais, Capitole de je Québec. Sais, mais je sais, parce qu'il était, il était beaucoup apprécié là-bas, je crois. Oui. Il avait un public. Ça avait cartonné, les gens étaient sur les tables. Oui, oui. Et là, ça lui a redonné le goût. Il avait un public très fidèle oui. là-bas. Ouais, oh, oui, sais. Et ça lui a, ouais. a redonné le goût de faire de la scène et de se présenter, de se représenter au public. Parce que c'est vrai, pendant des années, il avait arrêté d'en faire. Oui, il ne voulait pas faire de scène. Ben, peut-être que la demande n'était plus là aussi, là, mais c'est vrai que c'est à Québec que tout voilà. a. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tout à fait, je sais, ouais. il m'en avait parlé. Puis... Dans les interviews, il en parlait souvent oh, aussi. Oh, oh, oui. Et voilà. Donc tu vois, après, c'est des rencontres où tu rebondis. Tu vois, je dis pas que c'est un réseau, c'est mon réseau, mais non. Ouais. Mais c'est des rencontres. Voilà, c'est ce qui est agréable. Hein. Et qu'est-ce que... Parfois, j'ai écrit aussi pour, tu vois, j'ai écrit pour David Hallyday. Et ça, c'était, je l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré David. Je l'avais rencontré à l'époque. Ça, c'est en 2004, par son éditeur okay. musical. Voilà. C'était pour un nouvel album qui s'appelle Satellite. Voilà, tu vois, après, ça peut être par des professionnels de la profession. Ouais. Ou c'est des rencontres artistiques. Et lorsque tu proposes une chanson à un artiste, est-ce qu'il te revient avec des retouches ou si... Ah ouais, ça c'est souvent. Ouais. Et toi, tu es très ouvert au changement là. Bah, t'es un peu presque obligé, quoi. Tu vois, faut bon. Je dis pas que parfois ça dépend. Parfois, si tu veux, le mot est pas très joli, quoi. Mais parfois, c'est quand même des chansons de commande, quoi. Ouais. Tu vois ? Parce que j'ai écrit pour des gens où j'ai proposé des textes à des artistes que je connais pas personnellement. Non. C'est l'intermédiaire, c'est leur éditeur, tu vois. C'est ça. Musical. Donc du coup, je ne les rencontre pas. Toi, t'écris en pensant à, tu vois, à un artiste, ouais. parce que tu le connais un peu médiatique, parce qu'il est assez médiatisé, il est assez médiatique, donc tu vois un petit peu ce qu'il faut, mais tu le rencontres pas, donc en fait, tu t'imagines que ça, tu vois, tel mot ou telle histoire peut lui convenir. Mais après, souvent, oui, effectivement, on me fait retoucher. Ouais. Mais les textes, qu'est-ce qui te fait... qu'est-ce qui te dit, celui-là, je le garde pour moi, celui-là, je le... Ah ouais. Si tu veux les textes pour les autres, généralement, c'est quand même des textes pour des chanteurs de variété, tu vois. Tu vois, c'est... voilà. Donc, en fait, c'est un peu plus, j'allais dire, généraliste, tu vois, plus ouvert. C'est plus personnel. Et voilà. Mais à la fois, ça m'aide aussi, ça m'a aidé à rebondir pour moi, en fait. Ouais. Et pour, voilà, s'il y a des choses que j'écris pour les autres, que j'écrirais pas pour moi. Okay. Donc du coup, en fait, tu fais une... Il y a une vraie différence, et voilà, quoi. Mais quand j'ai écrit pour les autres, je dénigre pas du tout. Hein. Non. J'assume totalement, moi, il n'y a aucun problème. Je jette rien, même si parfois, il y avait des choses très très variétées, quoi, tu vois. Mais c'est pas un problème, moi. Je m'assume comme un chanteur de variété. Ouais. Même si je suis un peu parfois dans l'attitude un peu plus rock. Ouais. Rentre dedans. Voilà. Ouais. Mais voilà. Mais je suis un chanteur de variété. Je fais de la variété. Ho provato di tutto, ho smesso di amare, ho smesso di mangiare, anche di piangere, come un bambino, come un bambino. Ho smesso di dormire per non sognarti. E ho fatto l'amore con le altre donne, ma ti ho pensato come un matto. Ma sempre mi fai cantare. L'amore non è per la vita, ma la vita è per l'amore. Io sono pazzo di te. Visto che sei andata, è più forte di me. Ho smesso di parlare, ho smesso di vivere, ma il mio cuore non ha mai smesso di battere per te, di battere per te. E tu? E tu come stai? Come stai senza di me? Cosa stai facendo, piccolo diavolo? Ma sempre mi fai cantare. L'amore non è per la vita, ma la vita è per l'amore. Io sono pazzo di te. Visto che sei andata, è più forte di me. Ho provato di tutto. Ho perso la mia anima, la mia personalità, la mia metà, ma non mi hai ucciso. Ho provato di tutto. Ho provato di tutto. Ho smesso di fumare. Ho smesso di fumare. Ho smesso di bere. Ho smesso di bere. Di respirare. Di respirare. Si per dimenticarti. Si per dimenticarti. Si per dimenticarti. Si per dimenticarti. Ho smesso di dormire. Ho smesso di dormire. Per non sognarti. Per non sognarti. E ho fatto l'amore. Ho fatto l'amore. Con le altre donne. Con le altre donne. Ti ho pensato come un matto. Ma ti ho pensato. Ho provato di tutto. Come un matto, sì. Ho provato di tutto. Per dimenticarti. Piccolo diavolo. Per dimenticarti. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Préfères-tu te retrouver sur scène ou en studio? Bon, les deux. Les deux. Le travail n'est pas le même, donc le studio tu peux reprendre tandis que le live... Non, mais puis en studio, je ne suis pas tout seul. Aussi, bon, sur scène non plus, mais en studio, évidemment, je suis pas tout seul, puisque je te dis, je travaille avec des musiciens, des compositeurs. Et donc, encore donc, aujourd'hui, donc, avec Arnaud et Romain du groupe Aline, essentiellement. Ça, je t'en parlerai, parce que c'est par rapport au projet des chansons italiennes. Ouais. Mais c'est moi, ce que j'aime aussi, c'est, je sais pas, c'est cet échange, en fait. Les rencontres, les échanges. Ouais, ouais. Et après, souvent sur scène, j'ai pas de groupe derrière moi, j'ai pas un backing band. Souvent, je suis tout seul. Ok. Tu vois, j'assume tout seul. Mais qu'est-ce que sur les programmations et puis. Ok, tu joues du clavier, tu joues non, même la pas. Boîte à rythme. J'envoie les programmations. Ok. Et c'est un peu aujourd'hui en tout cas. Et je fais un peu mon show. Ok. Alors, il n'y a pas de musicien. Mon showman. Oui, c'est ça. Si, parfois, mais c'est vraiment, c'est très synthétique. Parfois, il y a un musicien au clavier. Alors, tu peux pas laisser la place à l'improvisation où tout est déjà settlé? Ah, si. Moi, j'improvise tout seul à un moment donné. Okay. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parfois, j'ai même pas un ordre précis des chansons. Ah oui? Je fais ce que je veux. Tout dépend, en fait, du... La réception. De la réception et des gens que j'ai devant moi. Et ça, j'aime bien. Voilà. Tu fais combien de concerts par année, à peu près? J'en fais pas beaucoup, hein. Mais je sais pas, non, j'en fais pas beaucoup, j'en fais d'en faire un ou deux par mois. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait choisir un endroit? Là, demain, je pars à Bruxelles. Ah oui? Je vais chanter à Bruxelles demain. Ok. En plein air? En plein air, oui, je crois, ouais, c'est ça. Oui, c'est. Je fais une première partie. Les premières parties de la soirée en plein air et après c'est dans une salle, dans la salle. Ah, t'as fait deux? Ouais, j'en fais deux. Je fais deux, mais pour la même soirée. Ok, oui. Mais je fais souvent en fait, je chante parfois avec des DJ aussi. Ah oui? Qui mixent. Entre deux sets de DJ en fait. Ah, tu vois? C'est bien ça. Voilà. C'est bien. Mec, il mixe, il m'envoie les instrus et en fait je suis avec les DJ, puis je chante. Moi j'ai mon micro, une réverb. Et puis je chante. Puis les gens sont chauds, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à entendre de la musique. Donc t'as un bon public. Là je vais à Bruxelles, donc voilà. Après je vais en Normandie à Saint-Lô le 21 juillet. Le 26, je suis à Paris. L'endroit qui s'appelle La Station. Oui, ben oui. Qui est à Aubervilliers. Effectivement. Voilà, le 26. Et voilà. Et puis après, ben, comme j'ai un album qui sort en octobre là. Et t'en es-tu fier de ton album? Ouais, très. Comment ça t'a pris? Ça, c'est le premier extrait. Ok. Bon, c'est... Ah oui, ben oui, ben c'est sur ton Facebook. C'est ça. C'est pour toi. Ah, merci. C'est le premier extrait de l'album, là. Donc ça c'est des chansons italiennes, hein, oui. En italien, oui. Tu vois. C'est une chanson. Oui, ça c'est une chanson, ça c'est un CD promo, quoi. Ok. C'était pour la presse, tout ça. Ok. Et donc, ton album est mixé, il est déjà préparé? Oui, c'est fini. Ouais. Et puis, comment tu le trouves? J'ai 50 ans, moi. Ouais. Donc, je suis plus un newcomer. Je suis plus, comment dire, en France, je suis plus le perdreau de l'année, quoi. Ouais. Et donc, en fait, j'ai plus de... Si tu veux, enfin, j'allais dire entre guillemets, je pense pas en termes de carrière. Voilà, j'essaie de me faire plaisir au maximum. Voilà. Donc c'est pour ça que par rapport à mes racines italiennes, mes origines italiennes, je commence à faire des premières chansons en italien composées par Romain et Arnaud, du groupe Aline. C'était vraiment, on voulait se faire plaisir tous les trois, parce qu'on a les mêmes goûts, on aime beaucoup d'artistes de variété italienne. Comme Lucio Battisti, Adriano Celentano, voilà, un truc comme ça. Puis aussi de l'Italo Disco, tu vois. Voilà. Et on a fait deux chansons ensemble il y a 5 ans, qu'on a sorti sur un EP en fait, chez Bandbad Records, qui est un label très connu ici, indépendant. Et puis en fait, on était parti pour faire deux chansons, c'est tout, tu vois, mais vraiment pour se faire plaisir. Eux, ils avaient Aline à côté, puis moi j'avais mes chansons en français de l'autre. Et en fait, on s'est quand même, on a pris du plaisir et on s'est pris au jeu. Et puis on a continué parallèlement à faire des chansons en italien ensemble, que j'écris, que je chante, qu'ils me composent et qu'ils arrangent. Mais pourquoi avoir utilisé la langue italienne? Le français te convenait plus? Ah non, pas du tout, non, je ne rejette pas le français, tu penses bien. Parce que je continue à écrire des choses en français, même pour d'autres encore. Mais en tout cas pour le moment, ces dernières années, c'est ce qui me plaît énormément. Alors, et donc il y a 5-6 ans, il n'y avait pas beaucoup de Français qui écrivaient en italien. C'est revenu un petit peu au goût du jour, la variété italienne ici. Du coup j'ai continué. Et après j'ai re-signé, là je viens de signer chez un label qui s'appelle Quaidan Records. Quaidan, c'est le label d'un musicien, compositeur, arrangeur qui s'appelle Marc Collin. Qui lui est connu avec qui a créé le collectif Nouvelle Vague. Oui. Qui a beaucoup marché dans le monde. Ah oui. Tu vois. sont rendus à leur troisième album. Voilà, c'est ça. Donc, et grâce au succès de Nouvelle Vague, Marc a monté son label, quoi, Ida. Et c'est Marc qui m'a signé l'album en italien. Si tu veux, c'est quand même un peu comme un album un peu... C'est un peu concept, quoi, tu vois. Parce que l'album, il est assez éclectique, musicalement. Il y a des chansons assez pop, variété italienne, plus classique, avec couplet, pont, refrain. Et puis, il y a des chansons plus synthétiques, plus italo-disco, tu vois. Plus pour les clubs. Donc, c'est assez éclectique, en fait. Si j'avais écrit et chanté en français... Sur les mêmes chansons, ça aurait pas marché parce que ça partait trop dans tous les sens. Ouais. Et en fait, il y a ce côté, enfin, je veux dire, entre guillemets, exotique de la langue italienne qui crée le lien, en fait. Ouais. Tu vois, qui réunit, tout cet éclectisme dans les chansons. Voilà. Et donc, ça devient presque un projet, un concept. Et puis, à la fois très sensuel et. Voilà. Mais je dis pas ça pour ça, mais en fait, je suis là. Il y en a très peu, je pense que je dois être presque le seul à faire un album entier en italien, étant un chanteur français. Ouais. Mais je me prends pas pour. Si tu veux, c'est pas pour moi un album italien. En vrai, je le dis maintenant régulièrement, c'est un album d'origine italienne. Ah ouais, il y a une différence. Tu vois, de par mes origines, et aussi parce que je reste quand même un chanteur français. Voilà, je comprends bien, tu vois, l'italien, je le parle, pas à fond couramment, mais je sais comment le prononcer, je sais le chanter, tu vois, l'italien. Même si j'ai des potes qui sont des vrais Italiens qui vivent ici, tu vois, qui entendent que quand même, tu vois, il y a un petit accent français derrière tout ça. Mais je garde ça, j'ai pas envie, tu vois, d'imiter, faire de l'imitation de chanteurs italiens. Je ne me prends pas pour un chanteur italien d'Italie, quoi. Ouais. C'est vraiment, je te dis, je suis un chanteur d'origine français, d'origine italienne, et c'est un album pour moi d'origine italienne. Voilà. On peut dire que tu suis un peu ton instinct, tu suis. Ouais. Ah ouais, vraiment. Si tu veux, c'est pas. Je suis pas dans le. On n'est pas dans le calcul, en fait. On se fait plaisir. Et alors si, bon... Mais les gens vont le sentir, là, sur scène. Ouais, je crois qu'ils le sentent. Ouais. Parce que je suis assez communicatif sur scène. Je pense que les gens le reçoivent, ouais. Est-ce que tu sens une ligne médiane depuis le début jusqu'à aujourd'hui dans ta musique, dans tes chansons? Est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur, comme je le disais tout à l'heure? Ben, si tu veux... le fil conducteur, peut-être pas, il n'y a pas vraiment de ligne médiane, si tu veux, musicalement. Parce que je te dis, parfois c'est assez différent, et puis, après moi, je me laisse, c'est éclectique, et je me laisse parfois bercer, entre guillemets, et entraîner un peu par les compositions que me proposent mes potes, quoi. Et tu vois, je me laisse aller, tu vois. Ouais. Ça me plaît, je me laisse aller. Mm-hmm. Facciamo quando facciamo l'amore, tutto va bene. Quando facciamo l'amore, l'amore. J'apprécie ce qu'il me propose. Mais par contre, si tu veux, s'il y a le fil conducteur, je dirais qu'il est dans, il est dans les textes plutôt. Ok. Parce qu'il y a quelque, il y a quelque chose à la fois de. C'est assez mélancolique. Il peut y avoir des, il y a des titres assez, si tu veux, enfin, enlevés, c'est-à-dire haut tempo. Ouais. C'est peut-être club, c'est, tu vois, c'est assez lumineux. Mais les textes, parfois, c'est assez, assez mélancolique. Alors, il y a quelque chose, du, si tu veux, de. Oui, à la fois de lumineux, de solaire, musicalement, je dis, si je peux employer ce mot-là, solaire, et à la fois un peu noir, quand même, tu vois. Je suis un peu comme ça, quoi. Et tu sens à l'aise quand tu expliques ce genre de ce style-là, cette façon. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une chanson comme... qui s'appelle, tu verras, sur l'album, qui s'appelle Domani è un'altra notte, ce qui veut dire Demain est une autre nuit. Et la musique est assez enlevée, assez solaire, mais le texte est quand même assez noir. Okay. C'est quelqu'un qui erre, qui, tu vois, la nuit, dans les rues de Paris, voilà quoi. Alors, et qui peut être à la fois assez solitaire et qui va au hasard des rencontres. Alors, on peut dire que la musique révèle des écrits un peu plus sombres. Donc, c'est de la musique un peu plus festive dans un écrit plus voilà. lugubre, plus oui, oui. Enfin, plus c'est pas, oui, un peu, voilà. C'est pas lugubre, mais c'est quand même un peu... C'est, je te dis, c'est plus... Oui, c'est quand même mélancolique, voire... je dis ravagé, mais oui, c'est pas loin. Ouais. Et ça, j'aime bien. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, ce projet d'album, il est en partenariat aussi avec Agnès B. Ok. Agnès B, qui est, tu sais, c'est la créatrice de mode. Oui, oh, oui, je connais, oui. Qui fait du mécénat. Oh, oui, oui. Elle a même une boutique. Oui, oui, elle en a plein. Elle en a plein dans le monde. Oh, mais... oh, oui. Et en fait, elle fait aussi du... Elle fait du mécénat pour les artistes. Elle aide des gens dans l'art contemporain, des peintres, des photographes. Elle a vraiment une vision incroyable. Dans le cinéma ouais. et dans la musique. Ouais. Et en fait, c'est grâce à elle et son équipe qui ont tout déclenché. Ça lui plaisait. Et c'est grâce à elle et à l'équipe d'Agnès B que j'ai signé cet album chez Kwaïdan avec Marc Collin. Donc c'est, voilà, c'est, tu et vois. C'est, ouais. Et cet album s'est fait pendant à l'hiver dernier ou les chansons, il y en a quand même, il y a quand même 14 titres. Okay. Comment tu appelles ça, 14 pièces, non? Ouais, ouais, ouais. Tu dis, vous êtes morceaux. Ouais, et vous dites comment là-bas? Okay, bah, 14 chansons. Ouais. Ouais, ouais. Mais parfois il y a pas, vous dites pas pour, tu sais, les morceaux. C'est pas des pièces que vous dites? Des pièces musicales, oui. Ouais, ouais, tu dis. Oh, oui, des pièces ça, musicales, bon, voilà. Oui. Non, mais 14 pièces musicales. Ouais, okay, ouais. Ouais. Mais les chansons, elles ont été composées, écrites. C'est étalé sur 4 ans, moi. Ok. Voilà. Est-ce que la première qui a été préparée il y a 4 ans et celle est la plus récente, ouais. Tu sens vraiment que le lien est là ou si ça a pris trop de temps et que chaque pièce est différente? Si tu veux, y a comme, c'est comme s'il y avait deux parties dans le disque. Ah, c'est ça. Si tu veux, il y a une première partie qui est plus chanson. Okay. Quand je dis pop, tu vois. Ouais. Plus chanson pop, ouais, ouais. Première partie. Et puis à un moment donné, il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus club, tu vois, beaucoup plus synthétique, beaucoup plus italo-disco. Voilà. Mais si tu veux, après l'album, là je l'ai pas parce que j'ai que le premier extrait, là il part, l'album part en fabrication. Et ça, c'est le premier extrait qui est sorti il y a 15 jours. Et c'est prêt. Et l'album sort en octobre. Octobre. Parce qu'il y a un deuxième extrait qui va sortir fin septembre. Ok. Et là, on travaille sur l'été, là, okay. avec ce premier extrait. Et l'album sort en octobre. Et voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais... Non, on parlait des chansons. S'il y avait une continuité en 4 ans sur l'album, parce que... Oui, oui, il y a quand même... Non, mais il y a une continuité, mais... si tu veux, il y a aussi... j'essaie de raconter une histoire. Une histoire, mais aussi à travers mon père, mes grands-parents italiens. Parce qu'il y a aussi des extraits de lettres. Il y a des interludes, comme il y a deux interludes. Okay. Tu vois ce que c'est un interlude? Oh, oh, oh, hein? Oui, oui, oui. Enfin, oui. Prélude, interlude. Voilà. Ou au milieu, je lis des lettres de mon grand-père italien. Okay. Ah, je lis des lettres, des vraies lettres qu'il a écrites, qu'il a envoyées parce qu'il y a une partie de ma famille, famille italienne, qui est restée en Italie. Okay. Et l'autre qui a immigré en France. Okay. Tu vois? Oh, ouais. Alors, il s'écrivait. Et donc, je lis deux extraits de lettres. De mon grand-père qui est resté en Italie, qu'il envoyait à son fils. Et je les lis à la fois en italien et en français. Ah bah oui, ouais. Et donc en fait, ça fait, tu vois, je passe, il y a des chansons qui parlent, il y a deux chansons qui parlent de mes origines. Ouais. Je lis interludes et après, paf, je casse le truc et on part sur des chansons plus club. Donc si tu veux, c'est à la fois quelque chose de ludique, assez light et léger, ouais, comme même le premier extrait. Okay. Donc je vais te parler tout de suite. Ouais. Mais il y a aussi, tu vois, ces extraits de lettres que je lis. Voilà, j'essaie de raconter une histoire aussi. Tu comprends? Mais quand tu prépares ces 14 chansons-là, est-ce que tu vois à quel endroit tu vas les placer sur le disque ou si ça se fait à la dernière minute? Ah, ça s'est pas fait à la dernière minute. Okay. Au début, je savais pas. Okay. Déjà, allez, hop, on enregistre, on écrit, on compose, et puis on enregistre, et puis on arrange, on réalise les chansons. c'était pas au dernier moment, mais c'était quand même une fois qu'on avait toutes les chansons, préparé, voilà, que tu sais, à un moment donné, tu vois que ça commence à s'éclairer, en fait. Ça arrive progressivement, tu vois. Je me dis pas ça tout de suite, tu vois, ah mais celle-là, elle sera là, elle sera placée là, celle-là, elle sera placée là. En fait, c'est vraiment la fin. Que j'avais toute la matière. Okay. Et donc, voilà, et puis ça s'est dessiné comme ça, quoi. Et ça s'est dessiné tout seul aussi. Là, oui, oui. Quand même une suite logique. Oui, mais j'avais déjà mon idée, okay, mais c'est, je te dis, c'était une fois que j'avais toute la matière, que pour moi, j'ai mis ma liste des chansons sous les yeux, et puis... voilà. Est-ce que tout le monde était avec, d'accord? Oui, puis je l'ai fait avec Romain et Arnaud aussi. Bien sûr, je leur demande leur avis parce que leur avis est important. Ben oui. Et puis ça m'aide aussi. Voilà. Ce que je te dis, c'est quand même. C'est pour moi un travail collectif, quoi. Ouais. Voilà. Même si c'est sous mon nom et en tant que, tu vois, chanteur solo, quoi. Tu vois. Mais c'est un travail collectif vraiment. À fond. Et voilà. Et puis à la fois, c'est comme, tu vois, bon, le premier extrait qui est sorti s'appelle Tutto va bene quando facciamo l'amore. Et c'est pareil, c'est assez, bon, ça c'est plus peut-être pour l'été. C'est assez club, mais c'est assez léger, light. Et c'est qu'une phrase. Une fois, je me permets, j'écris, tu vois, trois pages, enfin, c'est long. Et parfois, je me permets, il n'y a qu'une phrase, il n'y a qu'un gimmick. Si tu veux, pour moi, c'est pas une chanson classique, c'est pas une vraie chanson. Non. Mais c'est un truc plus club. Ça reste pop et c'est une phrase qui dit, parce que par exemple j'avais ce gimmick, ça veut dire tout va bien quand on fait l'amour, ouais. Et quand j'avais cette phrase là, après j'ai essayé d'écrire autour, tu vois, d'écrire des couplets, j'y arrivais pas. Je dis, mais en fait quand tu dis tout va bien qu'on a fait chier à l'amour, tout est dit, exactement. Et donc en fait avec mes copains on a on a joué là-dessus. Une phrase, voilà, ils ont composé là-dessus et faire quelque chose de, tu vois, à la fois dansant, festif, voilà, et très, très sexy, quoi. Et voilà, donc tu vois, je peux me permettre d'écrire une phrase, comme, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, on n'a pas de, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de contraintes non plus. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de contraintes, on se met pas de contraintes. Voilà, on le fait évidemment sérieusement, mais on est là aussi, on veut aussi, quand je dis prendre du plaisir, on veut s'amuser. Dans le bon sens du terme. Ouais, mais si tu t'amuses aussi, les gens vont s'amuser. Ouais. Oui, voilà, je pense qu'après les gens le ressentent. Ouais. Voilà. C'est un peu le but aussi. Tu vois. Et sur scène, est-ce que tu reprends cet album-là au complet ou si tu enlèves des titres? Non, je lis. Peut-être que je lirai, je ne sais pas encore, mais. Je lirai, je sais pas si je lirai les lettres, les interviews entre les morceaux, c'est possible. Ouais. Mais je vais le faire au complet, oui, bien sûr. Non sono dei vigliacchi, non sono dei bugiardi, sono solo uomini, bambini e sorelle. Non sono degli stronzi, non sono degli errori, sono solo dei padri, dei fratelli di sangue. La gente del mio cuore, la gente del mio cuore si riconoscerà, si riconoscerà. Sono delle vipere, non sono degli assassini, sono solo amori, sempre vicini a me. Non sono degli dèi, non sono dei mafiosi, alcuni sono per me i più bei fanuloni. La gente del mio cuore, la gente del mio cuore si riconoscerà, si riconoscerà. Non sono solo dolci come da Pasolini, non sono tutti angeli per me, sono ancora migliori. La gente del mio cuore, la gente del mio cuore si riconoscerà, si riconoscerà. La mia ultima canzone. ancora panega mi tradisce. Se il tempo passa e mi appassisce, se la mia vista perde la ragione, se ti lascio senza reazione, se la mia lingua manca di saliva, sui tuoi seni a forma di oliva, tu sarai sempre per me. Carai figa, la unica, quando non farò più il barboncino, che non ti toccherò più tesorino, quando non sarò più il padrone, quando sarò solo un coglione. La unica, tu sarai sempre per me. La unica, sempre per me. Tu sarai la unica, cara e figa. Mais quand tu joues, là, comme là, tu vas être sur scène là, bientôt. Demain, ouais. En Belgique, tu reprends aucune pièce de cet album-là. Ah si. Ok, oui. Ah si, là, okay. Je chante qu'en italien, là. Ok. Ah ouais, là, pour le moment, je chante pas en français, là. Donc, le disque est proposé au public? Oui, bien sûr. Et puis, comment Demain, je vais pas chanter tout l'album. Non, mais parce que, tu vois, c'est des... c'est comme... C'est des parcelles. Ouais, c'est des mini... oui, c'est ça. Des petits clins d'œil à ton album, mais ça, voilà. À travers tout ton spectacle. Là, je vais... demain, je vais chanter que 6 titres. Parce que je te dis, j'interviens entre deux DJ. Voilà. Okay. Et à travers les 6, tu vas reprendre de combien de chansons de ton nouvel album qui commence? Ah ben les 6 de mon album. Ouais. Ah, c'est du nouveau. Du nouveau matériel. Ouais. Est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce que les gens. Est-ce que ça te donne une idée de ce que ça va donner? Ah ben on va voir comment ils réagissent. S'il y a du monde. Quand tu les fais ailleurs, c'est. Oui, mais il y a déjà aussi il y a des chansons de l'album que je chante depuis 2 ans, moi. Okay, tu vois, oui, c'est ça. Il y en a déjà qui étaient écrites et composées. Elles ont vieilli avant d'être indiquées. Que j'ai fait sur scène. C'est ça. Que j'ai chanté sur scène. Exact. Alors, donc ça, c'était intéressant déjà pour voir la réception des gens, tu vois. Le retour du public. Bah, oui. Voilà. J'ai 10 questions et on va voir où ça va nous mener. Pardon? J'ai 10 questions et on va voir où ça va nous mener, tu vas voir. Ouais. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Si j'étais un liquide. Oui. Si j'étais un liquide, je serais du vin. De rouge. Quel? Du vin rouge. De quel endroit? Sud de Bordeaux, de. Non, mais du Chianti, quoi. Italien. Ben oui. Si tu étais une saison. Une saison? Oui. J'aime toutes les saisons, alors. Je fais pas de différence. Le printemps, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que la nature reprend ses couleurs. Quoi. Ah oui, ouais. Reprend des couleurs. C'est vrai. En tout cas, même si dans chaque saison a ses couleurs. Effectivement. Mais... Et sa beauté. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? D'accord. un membre corporel. Un membre corporel. Je pense que je serais. Je serais les lèvres. Ok. Pour embrasser, pour parler. Ouais, pour embrasser surtout. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. un moment de la journée. Alors, un moment de la journée, je dirais que pour moi, c'est pas un moment de la journée, c'est un moment de la nuit, alors. Ok. Tu vois. Voilà. Alors, t'es un gars de nuit. T'es un type ouais. qui se couche tôt et qui se couche tard et se ouais, lève tôt. Ça m'arrive souvent. Puis c'est pas compliqué, t'as pas besoin de sommeil ou... Ça dépend. Oui, c'est ça. Ça dépend de la journée après. Là, mais ouais, voilà. Ce serait plus la nuit que le jour. Alors, un moment de la nuit ou ouais. si la nuit, on peut dire que c'est un moment de la journée. Ouais. Enfin, puisque bah, oui, c'est un moment de la journée. Là, puisque oui. c'est 24. Voilà. Ouais. Moi, je serais 1h du matin. Si tu étais une couleur. Le rouge, forcément. Donc, ça, le rouge vif. Ouais. Alors, c'est pas pour. De l'égocentrisme, mais comme mon nom s'appelle Ross, ouais. ça veut dire rouge. Ah ben oui, ok, la ligne. Ça serait rouge. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Si tu étais un autre individu, ben, autant être une fille en fait. Bah oui, pour vérifier. Voilà. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Le même chemin? Ouais, je ferais le même chemin, parce que, voilà. Ouais. Même si, tu sais, c'est un chemin avec des hauts et des bas. Ouais. Ça n'a pas été, tu vois, c'est pas, comme on dit, un long fleuve tranquille. C'est pas linéaire, effectivement. Exactement. Non, je ferais la même chose. Je ferais la même chose, oui, parce que... Ouais. Est-ce que tu remarques une différence depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui sur l'univers du disque? As-tu senti qu'il y a eu un changement? Oui, bien sûr. Et comment tu vois ce virage? Est-ce que c'est positif, négatif ou il faut simplement se remettre à réfléchir autrement, à voir l'industrie autrement, à voir la musique autrement? Ben, je pense que... Moi j'ai connu, j'ai signé mes premiers contrats, c'était dans des grosses maisons disques, comme Mercury, Universal, en 97-18, où il y avait encore, l'économie du disque était encore il y avait un peu d'argent, florissante. Non, ouais. Et puis j'ai vu des choses dégringoler. Ouais. Et puis moi en vieillissant, des chanteurs, des artistes pour moi, comme moi, il n'y avait plus vraiment la place, j'avais plus ma place dans des gros labels. Des grosses maisons de disques. Ouais. Donc j'ai trouvé ma place en fait dans des labels plus petits et des labels indépendants. Et finalement, c'est là où j'ai ma place en fait. Ok. Tu vois ? Voilà. Donc en fait, pour te dire ça, on dit oui, la crise du disque, tout ça, mais enfin bon, Universal se porte très bien. Oui. Tu vois, mais bon. On a acheté beaucoup de chanteurs. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que il y en a beaucoup qui ont arrêté, hein, et puis il y en a beaucoup qui galèrent. Toi, est-ce que tu galères Moi, j'ai galéré, oui, bien sûr. Mais là, maintenant, ça se pose un peu. Là. Oui, ça se pose, ouais. Enfin, ouais, ouais. Enfin. Après, tu vois, je sais pas combien je vendrai de disques, mais pour moi, l'important, c'est déjà d'en vivre, même tu vois, comme on dit, d'être intermittent du spectacle. Tu l'es, intermittent du spectacle. Ouais, là, je suis là. Ouais. Mais on ne gagne pas, tu vois, des 100 et des 1000. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est de... Parce qu'on place quand même des chansons qu'on appelle en synchronisation. Ouais. Pour la pub, c'est là où il y a de l'argent. Quoi. Ouais, la publicité, c'est ça. Hein, ouais. Et voilà. Est-ce que mais je sais pas si j'étais assez précis, mais oui. je vais pas en rajouter là-dessus. Hein, tu vois. Est-ce que tu vends tes disques après le spectacle? Est-ce que c'est le moyen le plus facile de vendre des disques? Parce non, que les gens... pas forcément. C'est non. Sur Internet? Ouais, sur Internet. Ouais. Et t'es rendu à combien d'albums? Trois, c'est ça, si on compte le prochain, c'est trois albums, mais des albums complets? Ouais, combien? Trois? Oui, j'en ai fait trois. Ok. J'ai fait un album chez Mercury, ouais. Bon, qui n'a pas marché. Hein. Enfin, ça n'a pas pris, quoi. J'ai fait un album, et celui-là, c'est vraiment deuxième. Okay. Parce qu'après, j'ai fait des EP, des mini-albums, ouais, si tu veux, tu vois, avec différents labels indépendants. Okay. Est-ce que tu trouves que le son de ces chansons-là, de ces disques-là, ont été modifiés, ou si c'est vraiment la même contenance, c'est la même structure, c'est la même move, Par rapport à quoi? Aux autres disques, aux autres EP. Le son, est-ce que le son est resté le même aussi? Par rapport à mon album. Qui va sortir par rapport aux autres? Oui. Ah non, ça a changé quand même. Okay. Ça a évolué, oui. Ça a évolué. Ouais. Et en fait, tu suis le mouvement, tu suis aussi le son du jour. Tu veux te mettre à la fine pointe? Pas vraiment. Je sais pas. Oui et non, quoi. À la fois, c'est. C'est pas qu'on recycle, on est influencé aussi, je te dis, par de l'Italo Disco, Italo Disco de début des années 80, donc ouais. Il y avait un son particulier, avec des synthétiseurs particuliers. Donc, c'est pas qu'on reproduit, mais on est influencé, cette couleur-là nous influence, donc forcément, tu vois, on fait un retour sur le, tu vois, dans le passé, Le passé nous poursuit. Ben oui, bien sûr, nous colle aux fesses. À la peau, ouais. Mais à la fois, c'est réactualisé, je veux dire, pour 2019, quoi. As-tu beaucoup de projets? Comment? As-tu beaucoup de projets? Beaucoup de projets? Ouais. Ben, j'ai déjà celui-là là, qui me prend déjà pas mal de temps. Ouais. Et qui va prendre beaucoup de temps à la rentrée. Ouais. Tu vois? Alors, tu mises beaucoup là-dessus pour les spectacles à venir? Oui, bien sûr. Et puis après, mes projets, c'est toujours après d'écrire des chansons à côté pour les autres aussi, quoi. Voilà. Et parce que tu dois l'avoir fait écouter à tes amis, cet album-là qui va paraître. Est-ce que la réception est bonne? Est-ce que on te dit, tu tiens le truc, Je tiens le truc. Ça plaît. En général, ça plaît. Ouais. Ça plaît beaucoup. Hein. Et toi, aujourd'hui, en 2019, tu veux faire danser les gens, tu veux les divertir, tu veux que ce soit festif. Moi, je veux qu'ils dansent. Je veux que ce soit, si tu veux, ces chansons. Là, je vois même les retours, puisque celle-là, le premier extrait est sorti, si tu veux, depuis 15 jours. Ouais. Ça passe sur quelques radios en France. Et puis, on a sorti un clip qui est assez décalé, comme ça, c'est second degré. Ouais. Et en fait, les retours des gens que j'ai, ce que j'ai l'impression, c'est que ça leur fait une respiration, en fait. Ça leur fait une bouffée d'air. Une bouffée d'air, ouais, une vraie parenthèse dans leur vie. Parfois, et pas si facile. Ouais. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Et c'est ce que tu veux, effectivement. Ouais, exactement. En fait, tu veux faire décrocher les gens de leurs problèmes, de leurs... sans rentrer dans la vie des gens, mais... Non. Sans prendre, moi je dis souvent, sans prendre en otage les sentiments des gens. Ah ouais. Mais quand même, parce que après, comme on dit souvent, autant ces chansons-là, c'est mes chansons à moi aussi. Ouais. Comme celles de mes copains qui les ont composées. Mais c'est aussi, elles m'appartiennent beaucoup moins, elles m'appartiennent presque plus. J'aime beaucoup quand les gens s'accaparent la chanson. Voilà. Une fois que la pastille est lancée, tu ne peux plus rien y faire. Les gens vont la recevoir quand même. Et puis s'ils la reçoivent et qu'ils la gardent. Ouais. Et puis après, même qu'ils eux aussi passent le relais, la font écouter à leurs amis, à leurs fiancés, à leurs copains. En terminant, est-ce que tu as fait cet album-là pour qu'il soit universel, c'est-à-dire que pour qu'il vieillisse bien après 5, 6, 10 ans, ou si peut-être c'est un album de l'instant? Peut-être qu'il y a certaines chansons qui vont, quand je dis entre guillemets, mal vieillir, enfin dans 10 ans, mais je pense que c'est un album intemporel, voilà, c'est pour ça, je peux pas te dire si... tu vois, est-ce que ça va bien vieillir ou pas, est-ce que dans quelques... Il faut attendre. Voilà. Mais pour moi, c'est quand même, je te dis, c'est comme c'est un album avec des titres assez éclectiques. Ouais. Pour moi, il est quand même assez intemporel. Voilà. Okay. Voilà. Parce qu'il y a plein de chansons qui renvoient à un style bien particulier. Ouais. Tu vois, début 80, voilà. Comme des chansons qui, pour moi, sont intemporelles. Et chansons qui sont d'hier et à la fois qui sont d'aujourd'hui, quoi. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Ben Alex, merci d'avoir accepté. Mais avec c'est grand plaisir. Puis on va attendre la sortie de l'album pour présenter cet entretien-là, puisqu'on va avoir vraiment le panorama musical de super. Ce que tu veux proposer en 2019-2020 et les génial. Années qui suivront. Super. Ben merci, puis comme je dis souvent en terminant, à la revoyure. À la revoyure, ouais, ben moi aussi. Merci.